Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Sarah Durieux. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. La NEF, c'est la banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque où j'ai bien dit la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Moi, c'est la NEF qui me permet d'interviewer tout un tas de personnes inspirantes qui participent activement aux 2030 Glorieuses comme Sarah aujourd'hui. J'en suis vraiment fier et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous faire cette petite intro. Donc, n'hésitez pas à être vous aussi fiers et rejoignez la NEF, notamment en ouvrant un livret. Voilà, ça c'est dit. Comme je le disais, je suis heureux de donner la parole à Sarah Durieux. Sarah, on se connaît et on se connaît depuis longtemps et on se disait que la dernière fois qu'on s'est parlé, ça remonte un peu. On s'est pris un petit coup de vieux là, mutuellement en essayant de se rappeler ça en intro. Toi, si je devais te présenter, je dirais très rapidement que tu es activiste, que tu es organisatrice, tu es militante, autrice. Il y a tellement de casquettes que tu portes et avec lesquelles tu pourrais nous parler. Tu es passionnée par la réflexion stratégique qui permet aux organisations de changer le monde tout en se changeant elle-même. Ensemble, nous allons parler d'un sujet éminemment important, c'est pourquoi nos collectifs ils nous font mal et comment on peut les soigner. Tu vas notamment nous parler du livre que tu publies à ce sujet. Mais avant de se lancer sur cette question très précise, Sarah, pour commencer notre échange, je te pose la question que je pose à tous mes invités. En lancement d'interview, imagine que tu es dans un événement, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas et arrive la question fatidique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds maintenant? Alors, j'ai décidé d'assumer, de dire que je suis militante féministe et activiste parce que je veux réhabiliter les mots de militant et les mots d'activiste. Donc maintenant, j'assume. Ouais, tu le dis fièrement, c'est ça que tu veux dire? Je le dis fièrement, en fait. Je pense qu'on a toujours tendance à vouloir trouver des mots pour que les gens nous comprennent. Et finalement, quand les gens nous demandent ce qu'on fait, c'est quand même le meilleur moment pour essayer de leur donner une nouvelle perspective sur... soit une activité, soit un engagement, soit un métier qu'ils ne connaissent pas. Donc, je suis militante, féministe et activiste. Ce que je veux entendre peut-être un peu derrière ton élément de réponse là, c'est que ça pouvait jusqu'à présent parfois choquer, heurter le fait d'utiliser ces mots-là, militante, activiste. J'entends aussi le mot féministe qui est parfois assez clivant. Ça t'est arrivé? Oui, et je pense que justement, c'est un peu un effet backlash, comme on dit, donc le retour de bâton, en fait, quand on a des gens qui se mobilisent, qui militent, qui s'organisent, on a souvent une critique qui est faite de dire c'est forcément des gens dangereux, c'est forcément des gens violents, c'est forcément des gens qui ne sont pas dans la compréhension de l'autre, etc. Alors que je pense qu'au contraire, pour moi, la définition d'être activiste, par exemple, c'est de se dire qu'on a un rôle à jouer dans le fait de changer le monde, que tout le monde est activiste finalement. Et d'ailleurs, ça fait un peu partie de mes engagements, c'est de se dire que, en fait, on n'a pas besoin de passer ni un test pour être sûr qu'on est suffisamment engagé pour s'engager, ni passer un test pour être sûr qu'on est suffisamment activiste pour être activiste. Pour moi, une personne qui s'intéresse à la manière dont se passe l'école de ses enfants et est en interaction avec les profs et avec le reste de la communauté éducative pour trouver les meilleures solutions pour les enfants, que ce soit les siens ou les autres, c'est une activiste, une personne qui se posait la question de qui sont ses voisins, de comment s'assurer ensemble que notre leur environnement soit plus sain. C'est aussi des activistes. Et puis, bon, bah, y a ceux qu'on voit dans la rue et qui sont aussi nécessaires. Donc, pour moi, c'est vraiment réhabiliter le fait que s'engager, ce n'est pas quelque chose de clivant. Au contraire, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui est important pour tout le monde. Oui, c'est vrai que l'activisme a été un peu mis dans une case peut-être étroite parce que parfois on a besoin de représentation, on a besoin d'images, mais ces images et la quête de perfection, d'engagement, de pureté aussi militante parfois que ça implique peuvent faire sentir à certaines personnes qu'elles n'appartiennent pas à ce monde ou en tout cas qu'elles ne rentrent pas dans ces cases. On pourrait en reparler d'ailleurs au fil de notre conversation si tu veux bien. J'entends ce que tu me dis, militante, activiste, féministe. Si jamais tu devais sortir un peu voilà, de la grille de présentation LinkedIn et plutôt dire à quoi tu contribues. Moi, ça m'intéresse notamment parce que là, cette année, le podcast, tu vois, il subit une évolution. Jusqu'à présent, je présentais les métiers des 2030 Glorieuses. On parle un peu de ça d'ailleurs hein, dans cette première partie de l'interview. Maintenant, j'essaye aussi d'insister tout particulièrement sur les nouvelles croissances qui nous attendent en 2030 Glorieuses parce que moi aussi, j'essaie de réhabiliter certains mots, notamment celui de croissance parce que en 2025, quand on dit croissance, presque automatiquement on entend derrière la notion de croissance économique. Je pense qu'on a d'autres croissances qui nous attendent et donc la décroissance c'est pas une finalité mais c'est au contraire une porte ouverte, cette décroissance économique pour plein d'autres croissances. Et en réalité si on y réfléchit, c'est vraiment notre monde actuel, notre époque actuelle qui est décroissante de tout un tas de choses. Toi, si tu devais le dire comme ça, à quelle décroissance tu t'attaques? Et pour quelle croissance tu te lèves tous les matins au quotidien? Donc moi, je travaille vraiment sur la croissance du lien. Je pense que c'est vraiment le cœur, justement, que ce soit de l'activisme ou du militantisme, c'est de créer des liens entre les gens. C'est surtout de créer du pouvoir. Et donc la croissance du pouvoir collectif, c'est quelque chose qui est au cœur de mes activités, qu'elles soient d'ailleurs militantes ou professionnelles, parce que mon métier est aussi un petit peu militant, puisque je fais de l'accompagnement, du conseil, de la stratégie pour des organisations qui veulent agir sur le monde, notamment sur comment est-ce qu'on crée des collectifs sains, comment est-ce qu'on crée du pouvoir dans ces collectifs pour justement pouvoir faire évoluer les choses. Donc je pense que la décroissance, c'est la décroissance d'une vision d'un pouvoir qui est forcément un pouvoir hiérarchique, surplombant, écrasant, pour penser à un pouvoir qui est un pouvoir collectif, partagé, qui crée de l'abondance plus que de la compétition, qui crée aussi de la confiance plutôt que de la peur et du repli. Donc cette croissance du lien, cette croissance du soin aussi, qui est une vraie question dont on parle de plus en plus hein, quand on parle d'économie, quand on parle de nouveaux modèles de société, une société du soin, et donc du coup bah, des liens qui sont basés sur le soin, qui sont basés sur la compréhension. Qui ne perdent pas de leur objectif de transformation radicale du monde. C'est pas du tout l'idée de perdre ça, mais plus de se poser la question, finalement, si on a essayé de faire changer le monde avec force et fureur depuis des décennies et qu'on n'arrive pas forcément à notre but, est-ce que c'est pas parce qu'il faut le faire changer autrement? Donc plutôt avec de la coordination, plutôt avec de la coalition, plutôt avec du lien, plutôt avec de la confiance que ce qu'on a fait jusqu'ici. Quoi. Pourquoi c'est important que ce soit toi qui le fasse? Je ne dis pas que tu es la seule à faire ce lien entre lien et soin, justement, mais pourquoi c'est quelque chose que tu as décidé de porter plus haut, notamment au regard de tes différentes expériences professionnelles de militante? Alors, je pense que... Raconte-moi peut-être en quelques éléments clés, en quelques dates, en quelques faits marquants, un peu cette succession logique qui t'amène à ton métier actuel et ton livre et la conversation qu'on est en train d'avoir, s'il te plaît. Écoute, je pense que moi, je viens pas d'une famille militante ni d'une famille engagée particulièrement, donc c'est pas quelque chose qui m'a été partagé par ma famille ou par mon entourage dans mon enfance. C'est venu assez tard. En fait, moi, j'ai toujours été un peu curieuse du monde, je vais dire, et un peu empathique. Ça, je peux dire que c'est ma famille qui m'a partagé ça. Mais donc, j'ai voulu travailler dans des associations. Je m'étais dit que je voulais voilà, faire le bien dans le monde, de manière un peu candide, parfois, je dois le reconnaître. Et puis, il se trouve que j'ai trouvé un petit peu ma place dans un premier job que j'ai eu dans des fondations. J'ai bossé à la Fondation Nicolas Hulot, au WWF, donc dans des associations qui faisaient du plaidoyer, qui faisaient de l'accompagnement, de la sensibilisation. Et ça, ça m'a amené à découvrir le métier justement de plaidoyer, d'influence sur les responsables politiques, où je me suis dit, bah voilà, ça c'est un levier de changement du monde. Comment est-ce qu'on fait évoluer les lois? Comment est-ce qu'on fait évoluer les réglementations? Mais aussi, comment est-ce qu'on fait évoluer le monde politique en général pour qu'il soit plus inclusif et qu'il construise un monde beaucoup plus agréable pour tout le monde? Et en fait, ça m'a amené à travailler chez Change.org, qui est une plateforme de pétitions en ligne. Et en fait, mon métier, c'était d'accompagner les personnes qui lançaient des pétitions sur notre site et qui n'étaient pas des gens qui étaient particulièrement militants comme moi ou qui avaient un historique politique, mais des gens qui étaient souvent juste confrontés à des difficultés et qui se tournaient vers la pétition comme un peu un dernier recours. Et donc, ce travail, ça a été beaucoup un travail d'accompagnement, j'ai envie de dire presque un travail de soins déjà, parce que c'est des gens qui arrivent avec parfois des histoires très difficiles et on ne peut pas se contenter de leur dire voilà comment faire campagne, voilà comment obtenir des signatures, mais plutôt les aider à en fait prendre conscience de leur pouvoir aussi politique au regard des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et en fait, de ce travail chez Change.org, j'ai eu la chance d'être en contact avec des gens qui étaient engagés sur plein de thématiques, sur vraiment tous les sujets. Je peux dire que je crois que j'ai travaillé sur une très très grande diversité de projets, de sujets et de publics différents. Et en fait, je pense que ça a développé encore plus chez moi cette espèce de posture d'aidante du militant ou de la militante qui s'est développée parce que du coup, j'ai aussi commencé à travailler dans le cadre de coalitions, de faire du lien en fait entre différentes associations, différents collectifs. Je me suis aussi engagée pour faire du lien entre des organisations politiques, donc des partis politiques et des associations ou le monde de la société civile. D'ailleurs, c'est aussi à cette occasion-là qu'on s'était rencontré Julien quand on avait lancé la rencontre des justices, qui était vraiment le but de faire le lien entre différents membres de la société civile, que ce soit des associations ou des entrepreneurs sociaux. Et puis cette espèce de posture d'aidante, en fait, j'ai compris que c'était un métier ou en tout cas que ça avait une dénomination qu'on appelle community organizer ou organisatrice souvent, qui est vraiment un métier d'architecte slash créateur, créatrice de liens entre les gens qui militent pour faire grandir du pouvoir, pour construire des coalitions, mais aussi pour avoir des stratégies efficaces. Et je pense que ce qui s'est passé, la raison qui m'a amenée à porter ce sujet du soin dans les luttes militantes, c'est que j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de gens qui abandonnent, qui arrêtent de militer ou qui se mettent en retrait, des personnes qui continuent, mais au prix de leur santé physique, mentale, mais aussi au prix de leurs liens. Donc, des gens qui vont se couper des liens avec leurs proches ou des gens qui vont se couper avec des liens avec d'autres personnes avec qui ils ne peuvent plus s'entendre politiquement. Donc, ça m'a posé question sur finalement à la fois quel genre de monde on créait en militant. Est-ce qu'on ne reproduisait pas finalement ce qu'on dénonce de modèles de société qui sont, comme tu le dis, dans une croissance sans but, qui nous écrasent, qui nous oppriment, etc. Et puis aussi, est-ce que c'est efficace? Et ça, je pense que c'est un peu toujours le fil rouge de mes activités. C'est à la fois, est-ce que ça nous fait du bien et est-ce qu'au final, ça change le monde? Est-ce que ça nous change nous et est-ce que ça change le monde aussi? Et pour cela, je dois dire que j'ai eu moi aussi ma propre expérience de la fatigue, d'une forme de tristesse parfois dans le militantisme, un sentiment d'isolement et puis un burn-out aussi comme pas mal de gens qui m'ont fait réaliser que finalement il fallait vraiment qu'on travaille sur cette question du soin, du lien et dans une perspective aussi qui est une perspective féministe et je remets ce petit mot là ici qui est une perspective féministe et une perspective qui parle de la question de l'oppression, qui parle des rapports de pouvoir, qui parle de l'écrasement et qui parle aussi du coup au contraire de la capacité de créer en fait des espaces collectifs qui soient bons pour tout le monde, qui nous permettent de nous développer, etc. Donc voilà pourquoi pour moi c'est important de le porter, à la fois parce que je pense que c'est important éthiquement parlant par rapport au monde qu'on a envie de construire, mais aussi parce que stratégiquement je pense que pour être efficace aujourd'hui en tant que militant, on doit aller chercher les gens autour de nous, on doit leur faire du bien, on doit les aider à trouver une maison plutôt que de les amener dans des logiques qui les affaiblissent, qui les fatiguent et qui leur donnent envie de se mettre en retrait. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, Sarah. Merci pour ta réponse. Elle était très claire, très détaillée, et le parcours que tu nous proposes de réflexion, moi, ça me parle vraiment. J'ai forcément ce côté aussi de ma famille très empathique, l'historique aussi pas forcément évident avec l'engagement, le militantisme dans lequel je suis venu sur le tard, et l'envie d'être un pont, un passeur. Je sais pas, je t'entendais, j'entendais presque un peu un accoucheur quoi, de ces volontés militantes, parce que parfois c'est vrai qu'on n'ose pas, on n'a pas l'impression d'être assez fort, assez bon, assez intelligent. Et moi, j'ai souvent été dans cette position à me sentir soit trop pour certains et certaines, soit pas assez. Et donc, de pas avoir le sentiment d'appartenir, de pas avoir le sentiment d'être à ma juste place et de vouloir à mon tour jouer un peu ce rôle de passeur. Ces dernières années, c'est un peu moins le cas, mais au tout début, et notamment de la visibilité que j'ai eue avec Ça commence par moi, j'ai souvent déploré cette violence militante, la quête de pureté, le besoin de radicalité qui, en fait, parfois écrase plutôt qu'il l'empuissante et qu'il libère. Et je te rejoins beaucoup, et j'ai été souvent frustré de notre incapacité stratégique à savoir accueillir. Est-ce que... Là, je lis de plus en plus sur ces sujets et je crois que c'est Bon Pote qui faisait cet article dans le sens que je vais te présenter. Et lui, il disait que s'il y a un seul endroit dans lequel, sur lequel on doit s'inspirer du Rassemblement national, c'est leur capacité à accueillir et à fédérer largement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as théorisé un peu ou c'est plus intuitif? Est-ce que tu disais stratégiquement, j'aimerais bien creuser cette question de la stratégie. Est-ce que, à ton avis, il faut savoir mieux accueillir et c'est pas parce qu'on sait bien accueillir qu'on peut pas continuer à garder son esprit critique en veille et à vouloir amener les gens à se poser de nouvelles questions, à dépasser un peu leurs idées reçues? Ouais, absolument. Bah, je pense qu'il y a d'autres exemples que le Front National, mais c'est vrai qu'on l'utilise parce qu'on a un sentiment qu'il y a une... Moi, je reviens sur le fait qu'on a un sentiment que le Front National progresse. Moi, je pense que plus que c'est les forces progressistes qui régressent. Je suis pas sûre qu'il y a une vraie adhésion massive. Bien sûr, il y a une évolution ces 20 dernières années, on ne va pas le nier, mais je pense que ça fait aussi partie des narratifs que moi, j'ai envie de pousser, de dire qu'en fait, il y a une grande majorité aujourd'hui de Français, pour ne parler que de la France, qui ont envie d'une société dans laquelle on vit bien ensemble, dans laquelle chacun a sa place, dans laquelle on s'entraide, etc. Et je pense que c'est plus une régression de l'espace progressiste, on va l'appeler comme ça, pour dire la gauche, ou en tout cas, je me positionne plutôt dans cet espace de la gauche progressiste, etc. Il y a plutôt un manquement, en fait, dans ces espaces-là, d'avoir la capacité à aller chercher les gens. Et je pense qu'en effet, il y a une réaction tout à fait normale, c'est que en fait, quand nos droits sont attaqués, et ça j'en parle dans le livre, quand nos droits sont attaqués, quand on nous refuse la dignité, quand on nous dit qu'on n'a pas notre place, qu'on ne devrait pas être là, quand on vit de la violence sociale quotidiennement, en fait, notre première réaction, c'est le repli, c'est le rejet de l'autre. Et c'est un sentiment qui est tout à fait compréhensible et qui s'inscrit aussi dans une histoire de la domination sociale, de la domination de genre, de la domination aussi raciale. Et je veux vraiment reconnaître ça dans le fait qu'on agit de cette manière-là. C'est-à-dire, je ne pense pas juste que les militants sont des personnes mauvaises, je pense qu'elles sont comme n'importe quelle autre personne. Elles ont des réactions et qui vont faire qu'elles vont aussi parfois se sentir fatiguées d'aller un peu chercher au-delà de leur cercle. Et on a besoin aussi de réconfort. Parfois, on a besoin d'être avec des gens avec qui on est d'accord pour se trouver bien, entre guillemets, dans un monde qui nous fait du mal. Et puis on est en première ligne, et puis on a l'impression que ça va pas assez vite, et puis on se renseigne, on creuse, et on désespère de trop savoir. Enfin, il y a plein de bonnes raisons, effectivement, d'avoir cette frustration. Après, la question, c'est de comment on la gère, et puis comment on la dépasse. Mais ça, c'est effectivement pour ça que tu as écrit ton livre. Mais du coup, stratégiquement, pour revenir sur ta question initiale, je pense que c'est ça le vrai positionnement qu'on peut se dire. Est-ce que quand on est militant, notre but, c'est d'être avec des personnes avec qui on est d'accord, ou en tout cas qui adhèrent en tout cas à nos idées de manière visible, etc. Ou est-ce que notre but, c'est d'aller chercher des gens pour les convaincre? Et moi, je pense que vraiment, la force de certains mouvements dans leur capacité à grandir, dans leur capacité à aller chercher des personnes, c'est justement une forme de posture qui n'est pas une posture morale, mais qui est une posture d'empouvoirment collectif, en fait, qui est une posture de dire je viens vous chercher et je viens vous emmener avec moi dans quelque chose où vous allez pouvoir vous épanouir, grandir, etc. Et où, justement, tout ce que vous vivez des oppressions du quotidien, on va pouvoir les politiser, on va comprendre d'où ça vient, et puis on va pouvoir travailler à les résoudre ensemble. Donc, c'est pas pour enlever du tout de l'importance, en fait, dans le militantisme, de la politisation. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est ça, en fait, le rôle des militants, c'est de devenir de l'éducation populaire, même si j'aime pas trop cette expression dans ce cadre-là, mais d'aller chercher. Et donc, nous, on a vraiment ce travail à faire de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut aller chercher plus loin, mais aussi comment est-ce qu'on peut garder nos pieds ancrés dans nos valeurs. Et ça, ça fait partie, je pense, de ce que je vois, moi, dans une vision de 2030 du militantisme. C'est justement de se dire que le militantisme, ça serait plus un endroit où on doit montrer patte blanche, entre guillemets, mais au contraire, ça serait un endroit où on vient chercher du réconfort, un endroit où on vient chercher, en fait... Chouette. Ben, on en parlera tout à l'heure, Sarah. Je me permets de t'interrompre parce qu'on fera cet exercice d'être en 2030 glorieuse et de raconter le militantisme. Mais si tu veux bien, juste continuer un peu sur cette notion de prendre soin. Et puis, on peut... À cette occasion de parler de ton livre, tu sors donc Militer à tout prix aux éditions Hors d'atteinte. Le livre est en librairie depuis quelques semaines maintenant. Toi, tu dis qu'il est urgent de prendre soin et donc si on continue la conversation la réponse que tu commençais à me faire, c'est prendre soin pour rassembler, mais prendre soin pour incarner. J'ai l'impression que c'est autant du fond que de la forme, en fait. Ouais, absolument. En fait, c'est pour ça que je parle d'éthique et de stratégie. C'est à la fois notre posture, mais c'est aussi la société qu'on espère construire. Et donc, moi, je crois qu'en fait, on a construit une vision du militantisme qui n'était valable que s'il faisait souffrir, s'il nous obligeait, en fait, à se mettre dans des postures à se mettre en difficulté, entre guillemets. Mais ça, c'est aussi une vision sacrificielle qui existe dans plein d'autres conceptions de société, hein. Mais aussi presque, que finalement on serait de vrais militants que si on était en rupture avec les autres. Et ça, ce qui me m'étonne énormément, c'est que finalement c'est presque devenu un gage de radicalité d'être dans une posture de rupture avec l'autre. Et bien entendu, moi je suis quand même issue de la génération militants réseaux sociaux qui a beaucoup utilisé le digital, hein, forcément, pour faire connaître nos causes. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus comme finalement un vecteur de poids politique ou de légitimité politique. C'est en fait la manière dont on va être dans la rupture. Plus on est dans la rupture, plus on est légitime politiquement, alors qu'en fait, on peut se poser la question d'être en rupture avec un modèle de société sans forcément être en rupture avec les gens qui composent cette société. Et donc, moi, c'est vraiment cette idée que je pense qu'on doit pousser beaucoup. Quoi. Et si, en plus, on devait parler un peu de notre époque et des dernières semaines, je dirais que presque... géopolitiquement, le soin, ça peut être une nouvelle arme de rassemblement, de construction, un outil en tout cas, et que c'est pas parce qu'on dit soin qu'on dit faiblesse. On peut être puissant, droit, et même tenir les assauts, toi, militante féminisme, tu vois, du patriarcat, du virilisme, de la masculinité toxique, tout en apportant du soin, tout en écoutant ses fragilités, en sachant leur donner de la place, les considérer pour les dépasser. Ça va pas l'un contre l'autre. Le soin, c'est pas de la faiblesse, au contraire. Et c'est peut-être même en l'affichant comme une bannière qu'on pourrait rassembler toutes ces personnes qui ont qu'une envie, c'est de se terrer chez elles parce que les nouvelles, les actus, l'effet d'actualité, ouais, tout ce qui passe dans notre fil d'information est trop violent, trop dur, trop anxiogène, en fait. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis dans le livre. Je pense qu'aujourd'hui, notre militantisme, il est viriliste. Donc, tu vois, c'est même pas pour aller plus loin encore de ce que tu dis, de dire accueillons entre guillemets nos faiblesses, accueillons nos vulnérabilités. Mais c'est vraiment une posture, en fait, pour moi, politique, d'être dans le soin, en fait. C'est faire le choix. Pour moi, c'est ça, être féministe, en fait, c'est faire le choix de l'inclusion de l'autre, de la recherche de l'harmonie. Enfin, je suis désolée, peut-être que ça fait des mots grandiloquents, mais moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas faire abstraction de notre posture, en fait, dans la politique. C'est aussi important, nos émotions, ce qu'on ressent, qui on est, que ce qu'on veut faire advenir. Et donc, pour moi, c'est aussi la question de, comme tu disais, on peut être puissant et dans le lien, on peut être doux et fort à la fois. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de dichotomie que moi, je discute dans le livre sous le terme de la binarité, qui est aussi, pour moi, au cœur des sociétés qui oppressent. C'est cette binarité, le bien, le mal, on est femme, on est homme, on est étranger, on est français. tu vois, cette espèce de binarité, c'est aussi un apanage, à la fois d'un héritage culturel, voire même religieux, avec le paradis et l'enfer. Tu vois, ces dichotomies, en fait, elles nous poussent à voir des manières d'être comme totalement opposées. Et donc, dans ces dichotomies, comme tu l'as bien dit, l'idée du soin s'oppose à l'idée de la lutte. La lutte, elle est forcément violente, la lutte, elle est forcément difficile, la lutte, elle est forcément dans le sacrifice, alors qu'au contraire, le soin, c'est quelque chose qu'on ferait ensemble, dans la douceur, presque dans l'intimité, alors que le soin, il peut être aussi dans la lutte, il peut être aussi dans le lien entre les gens quand ils sont en manifestation, quand ils se confrontent à des difficultés, quand ils se confrontent à de la répression même. Hein. Si je prends un exemple tout simple, on l'a vu dans des mouvements qui ont été à l'étranger, que ce soit à Hong Kong, ou même, on peut même parler des Gilets jaunes, où il y a eu quand même une culture du soin entre les personnes qui participaient aux manifestations et qui pouvaient être victimes de violences. Bah, en fait, c'est comment est-ce qu'on élargit beaucoup plus cette notion du soin, et pas uniquement aux soins dans la réparation de quand le physique est attaqué, mais aussi quand notre santé mentale, nos émotions, nos ressentis sont aussi attaqués par des systèmes politiques ou par de la répression politique. On va parler de ces militants du soin en 2030 glorieuse, des figures politiques qui ont décidé d'incarner le soin en 2030 glorieuse et qui ont fait basculer notre démocratie dans de nouvelles croissances, vers de nouvelles croissances. Mais avant ça, Sarah, je demande toujours à l'invité de venir avec une lecture plus ou moins longue qui représente, qui porte des valeurs qu'on a envie de voir, et notamment que l'invité a envie de voir se déployer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu viens nous lire, toi, Sarah ? Alors moi, je suis une grande fan de Starhawk, qui est une militante / sorcière féministe américaine, et qui a écrit beaucoup de livres d'ailleurs, que j'invite les gens qui écoutent à lire, parce qu'ils sont vraiment fantastiques, justement sur l'organisation collective, sur la manière dont on fait ensemble. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Rêver l'obscur, femmes, magie et politique. Pareil, fantastique livre, et je voudrais lire un peu un passage de ce livre-là. Le pouvoir sûr est celui du fusil et de la bombe, le pouvoir de l'anéantissement qui soutient toutes les institutions de domination. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du pouvoir, qui vient du latin populaire, podere, être capable. C'est le pouvoir qui vient du dedans. Le pouvoir du dedans est le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre. Le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. Si nous voulons survivre, la question devient « Comment renversons-nous ?» Pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr. Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans ? Merci Sarah pour cette lecture. Pourquoi tu voulais nous parler du pouvoir du dedans ? Parce que je pense que c'est le cœur en fait du changement de société, et je pense que notre pouvoir du dedans, c'est un pouvoir qui nous oblige à aller vers l'autre. Ça peut paraître antinomique ce que je dis, mais en fait quand on se reconnecte à nous-mêmes, quand on se reconnecte à notre sensibilité, on se reconnecte aussi aux autres, parce qu'on reconnaît notre humanité commune. Et je pense que ce pouvoir du dedans, c'est ça un peu pour moi le moteur du changement. Aussi parce que mon premier livre s'appelait « Changer le monde » et j'ai eu une conversation avec une activiste anglaise qui s'appelle Anthea Lawson, qui a aussi écrit sur le sujet de l'activisme, du militantisme et des difficultés qu'on y rencontre. Et je lui donnais le titre de mon premier livre et elle me disait « Ah, ton premier livre, c'est « Changer le monde ». Bah, tu vois, moi, je me demande si changer le monde, c'est pas nous changer nous-mêmes. » Alors du coup, ça m'a fait réfléchir en me disant « Si le monde, c'est nous-mêmes, est-ce qu'il ne faut pas commencer aussi par nous-mêmes ?» Et nous-mêmes dans nos rapports aux autres, et nous-mêmes dans notre rapport à notre propre personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler du pouvoir du dedans. Et donc, ça commence par moi, la boucle est bouclée. Je t'entends et ça résonne avec ce mouvement que j'avais participé à lancer il y a déjà très longtemps. Le pouvoir du dindon, c'est pour moi aussi le pouvoir de reconnaître sa capacité d'aventurier et d'utopiste et de rêveur. Je pense que nous sommes pour l'instant à date, hein, c'est vraiment jusqu'à preuve du contraire la seule espèce fabulatrice et qui a besoin de prophéties pour ensuite les réaliser. Là, pour l'instant, bah, les prophéties, malheureusement, à l'époque actuelle, elles sont en général des prophéties négatives, angoissantes, anxiogènes, catastrophistes, et donc on ne peut pas s'empêcher de se préparer au pire. Et on a besoin de faire exister la possibilité d'un avenir plus souhaitable, plus désirable, meilleur. Allez, allons-y. Et c'est parce qu'on commencera à penser, à rêver, à ressentir dans notre chair cet avenir qu'on pourra mieux le faire advenir au présent. En tout cas, c'est ce dont on est persuadé avec les 2030 Glorieuses. Et donc, on va faire cet exercice, Sarah, là, pendant une vingtaine de minutes, d'aller ensemble en 2030 Glorieuses et de raconter aux personnes qui sont, elles, restées de l'autre côté, ce qu'on y voit, ce qu'on y découvre. Donc, on va parler au présent des 2030 Glorieuses, Sarah, si tu le veux bien. Si on parle du futur, on parlera des 2040, des 2050 Glorieuses. On peut être en 2032, 2036, 2038. C'est toi qui décides l'année qui te semble la plus appropriée, t'es pas obligé de la révéler d'ailleurs. Et on va éviter d'utiliser le conditionnel, ok? On va décréter, on va exiger. C'est le pouvoir de l'imagination qu'on décide de prendre comme ça pendant 20 minutes. Et donc, la première question que je te pose, je sais pas où tu es, Sarah, là, pendant qu'on se parle et qu'on explore ensemble les 2030 Glorieuses, mais si tu regardes par ta fenêtre, qu'est-ce que tu vois en 2030 Glorieuses? Bah du coup, je vois juste en bas de ma fenêtre, il est 16h15 et du coup, c'est bientôt la sortie des classes et il se trouve qu'il y a plein de personnes qui sont rassemblées en bas de mon immeuble parce que finalement, on est dans une période intéressante politiquement. On va avoir la première assemblée constituante pour réimaginer en fait la manière dont le pouvoir politique fonctionne dans notre pays. Et du coup, partout, en fait, on est en train de réfléchir ensemble. Donc là, il y a une petite réunion sortie des classes avec des adultes et des enfants qui sont en train de se préparer pour cette assemblée, puisqu'il y aura des contributions de chaque citoyenne, chaque citoyen qui voulait participer. Donc c'est assez sympa. Il y a des petites tables dehors, ils mangent des petits gâteaux, tout le monde a ramené un truc. Donc plutôt sympa. Ouais, c'est fou, hein. On est passé en quelques années d'une époque de la violence, de la prédation, de la domination, de la petite phrase, du choc permanent, de la simplification à outrance, à cette période-là qui, c'est vrai, assez floue parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on se lance, mais on a décidé de passer le cap. Et donc, c'est excitant, il y a un truc dans l'air, hein. On a hâte de voir ce qui va advenir dans les prochaines semaines. Oui, absolument. En plus, ce qui est assez fou, c'est que du coup, il y a vraiment une association de plein de gens différents. D'abord, les enfants ont leur place dans ces discussions politiques, et ça, c'est assez intéressant. Tout le monde a pris conscience que finalement, on ne pouvait pas construire l'avenir sans ces enfants-là. Et donc, mais il y a aussi des personnes plus âgées. Donc, il y a cette espèce de continuité, en fait, de lien entre ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on vivra demain. Et pour imaginer le futur aussi au regard de ce qu'on a mal fait avant. Donc c'est intéressant parce que tout le monde est assez humble en fait dans cet espace de discussion politique. C'est comme tu le dis, il y a eu vraiment un changement du tout au tout, d'une espèce de posture de sachant, de moraliste, etc. À une espèce de curiosité, d'humilité, mais surtout chacun prend soin les uns des autres. En fait, on assume par défaut que notre prise de parole, elle compte et du coup, on fait attention à la manière dont on les positionne pour faire avancer tout le monde et pas uniquement pour donner son avis, quoi. Qui aurait pu prédire, comme disait l'autre à l'époque, que là où on nous disait que la politique, tu te souviens, était tellement violente qu'il fallait des personnalités qui étaient capables ben, de tenir cette violence, de la rediriger dans son sens pour aller au bout. Bah, notamment du processus d'élection présidentielle et dans le camp de la gauche auquel on appartenait à l'époque, on disait à demi-mot qu'on n'avait pas d'autre choix que jouer voilà cette héroïsation, cette surcompétition, cette incarnation, cette violence aussi parfois dans les propos à outrance parce que sinon on n'existait pas médiatiquement ni politiquement et qu'en fait c'est une personne qui a décidé de prendre à bras le corps la question du soin qui a permis enfin d'engager ce mouvement irréversible. possible de coopération des 2030 glorieuses qui sont en train d'advenir devant nos yeux. Bah après, ça, c'est vrai que ça n'a pas été facile dès le départ, puisque en fait, y a des gens qui légitimement nous ont dit au départ « Oui, bah attendez, si c'est pour en fait, mettre la poussière sous le tapis et dire tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, forcément, nous, on n'est pas d'accord. » Et ce qui a été vraiment puissant, en fait, c'est justement la capacité qu'on a eue à pas perdre en fait de nos exigences pour vraiment changer la société, pour entendre les personnes qui sont le plus qui ont été dans le passé le plus blessées par nos fonctionnements de société, pour revoir les choses. Donc c'est là où je pense que notre humilité elle a joué, c'est qu'on a été capable de s'écouter les uns les autres et de pas juste essayer de cacher les problèmes et de les aborder dans une posture vraiment de réparation. Et puis, bah, la gauche a fait quelque chose d'important aussi, c'est qu'elle a arrêté de se parler à elle-même. Aujourd'hui, finalement, on a beaucoup plus de personnes qui se sont engagées dans les mouvements progressistes qui n'étaient absolument pas des personnes qui militaient et qui, aujourd'hui, se revendiquent militants, activistes, etc., mais qui, pour autant, ne sont pas des personnes qu'on voyait militer dans les 30 dernières années. Oui, il y a eu un double mouvement, je t'entends, et ça me fait penser à ça. À la fois, cette visibilisation, en fait, hein, de l'engagement, on utilisait le mot militant, activiste à l'époque, et en fait, on a... à travers, pourquoi pas, ton livre à l'époque, le travail qu'on faisait dans certains podcasts, certains médias. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Cop Media qui venait d'être lancé. Certains auteurs aussi, les films, etc. Bref, cette visibilité de l'action permanente, de l'action du quotidien, qui avait été invisibilisée et qui montre qu'en réalité, nous étions déjà à l'époque des millions à vouloir le meilleur pour l'autre et à faire que ces 2030 glorieuses étaient déjà ici, déjà là, parfois cachées, mais en fait, elles n'attendaient qu'à être révélées. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et puis l'autre mouvement, c'est que le soin, ça impliquait effectivement de prévenir, de rendre visible, de créer des espaces, de former, d'accompagner, mais aussi de résister, de savoir punir, de réparer. Et la confiance, elle est passée par ça, par le processus qui allait jusqu'au bout pour parfois mettre certains face à la réalité, à leurs erreurs, à leurs échecs, et puis leur présenter des plans pour qu'ils puissent dépasser aussi ces manquements. Mais comme tu le dis, le processus a été complet et la poussière n'a pas été mise sous le tapis. Absolument, et c'est ça vraiment je pense qui continue à être vrai dans notre société aujourd'hui, c'est que la réparation elle est permanente. En fait, notre posture d'humilité, notre posture de responsabilité, elle nous permet de réparer puisque bon, on n'est pas non plus dans une société, il y a encore des problèmes, il y a encore des difficultés parfois. Absolument. Il y a des incompréhensions, mais on a cette capacité à prendre responsabilité et être dans l'humilité qui fait qu'on peut réparer. Et en fait, la réparation, la reconnaissance de nos erreurs, en fait, nous permet vraiment, et particulièrement politiquement, d'avancer et de donner à chaque personne une place. Et ça, c'est, pour moi, c'est ça le changement. Pourtant, les premières personnes qui ont parlé de ça, on leur a dit qu'elles étaient des bisounours, on leur a dit qu'elles étaient pas forcément, elles ne comprenaient pas les difficultés, etc. Ou alors, on leur a reproché parfois même d'essayer de servir certains intérêts, alors que justement, c'est ça qui a été difficile, c'est de faire ressortir que prendre soin de l'autre, c'est l'intérêt de tout le monde. Et donc, on est allé jusqu'à déployer largement des processus de justice réparatrice. Hein. C'est aussi restaurative. On l'appelait ça comme ça. Tu te souviens de ce film ? Je verrai toujours vos visages. Voilà. C'était aussi montrer que, en fait, l'erreur, elle n'était pas finale, elle n'était pas fatale. Et de ne plus inciter les gens qui en commettaient à se planquer, à ne pas oser les affronter. Et au contraire, à remettre ces erreurs au cœur des conversations, au cœur de nos institutions pour se rendre compte que, déjà, on avait le droit à l'erreur, que c'était accepté, qu'on continuait à avoir une place dans la société et que la réparation de cette erreur, elle pouvait permettre en fait, de laisser une trace positive in fine dans notre société et de continuer à co-construire cette société des 2030 glorieuses qui, de toute manière, n'est pas un idéal à atteindre, mais une réalité du quotidien où tous les jours, on se remet encore sur le métier et on travaille ces liens, on travaille ce soin. D'ailleurs, la réparation, ça a été vraiment un sujet de discussion important parce qu'en fait, on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce qui était une bonne réparation. Et je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, la question des violences sexistes et sexuelles, c'était un vrai sujet qui commençait à émerger. Finalement, quand on regarde où on en est aujourd'hui, bah, c'était vraiment les balbutiements. Et on parlait de la justice, on disait que bah, si une personne n'est pas condamnée, bah, finalement, elle n'est pas coupable. Mais on savait qu'il y avait aussi d'autres blessures qui n'étaient peut-être pas reconnues par la loi, mais qui existaient, qui étaient réelles. Et donc, en particulier, je trouve que cette évolution qu'on a eue sur les violences sexuelles a été vraiment importante, puisque la réparation, elle a été aussi une réparation du dommage sur la vie des personnes impactées, notamment bah, ces personnes qui ne pouvaient plus travailler ou qui ne pouvaient plus trouver en fait, de lien avec des personnes ont été prises en charge financièrement, prises en charge aussi médicalement, etc. Et on leur a permis aussi d'avoir un départ, d'être reconnues en fait, par la société. Je pense que vraiment, le changement qu'on a vu vraiment et qu'on vit aujourd'hui, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de l'autre, la responsabilité, l'humilité. Je me souviens plus, toi, tu as participé en tant qu'experte à la Convention citoyenne pour la réparation, justement ? Bah oui, j'y ai participé à la fois en tant que personne qui avait été impliquée dans des mouvements qui s'intéressaient à ces questions, mais aussi en tant que victime de violence. Et en fait, pour moi, vraiment, le changement, c'est qu'aujourd'hui, je considère que je ne suis pas uniquement une victime, mais que je suis une personne qui a contribué à ce processus. Et je pense que beaucoup de personnes comme moi, en fait, en contribuant à ce processus de la Convention pour la réparation, qui a quand même, il y avait des personnes qui étaient impliquées à différents niveaux, mais c'est quand même plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont été impliquées dans ce processus, et ben, on se sent reconnu, en fait. On se sent reconnu, on se sent vu. Et donc, au-delà de la réparation qui peut être financière ou qui peut être légale, il y a une réparation vraiment, je dirais, de la dignité. Et ça a aussi permis à notre société d'avancer. Mmh. Ouais, c'est vrai que l'idée d'en faire un peu une sorte de série documentaire télévisée de cette convention, de suivre quelques individualités qui prenaient part à cette convention, ça a permis vraiment bah, presque tous les soirs, au temps du repas, de suivre à la télévision les discussions, les formations, les débats, et donc faire en sorte que ces débats ils se jouent derrière, bah, entre les parents et les enfants, avec tout ce que ça impliquait aussi de pédagogie, de faire monter des sujets qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent, dans les classes, dans les écoles, dans les cours de récré, dans les assos, à la machine à café. Enfin, vraiment, c'est une conversation, une libération de la parole qu'on avait commencé à peine à pressentir à l'époque de MeToo, mais qui là, enfin, est allée beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'était plus qu'une libération. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est pas une libération de la parole, c'est une libération de l'écoute. En fait, les gens sont écoutés, quel que soit leur vécu, d'où qu'ils viennent ou qu'elles viennent. Il y a cette possibilité, en fait, je pense, dans notre nouvelle société, de reconnaître à la fois bah, ce qui nous tient ensemble, notre gouvernance, nos lois, etc., mais aussi l'expérience de chacun et de vraiment ne pas renier à qui que ce soit, en fait, la réalité de ce qu'elle a vécu. Et tu vois, je pense que c'est aussi ça qui nous a sorti d'une forme de complotisme qu'on a connu à une époque. Hein. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 2020-2025, c'était quand même compliqué. Enfin, il y avait énormément de gens qui tombaient dans le complotisme parce qu'en fait, ils se sentaient mis à l'écart. Ils avaient aussi de la colère par rapport à la manière dont la société fonctionnait. Et donc ça nous renvoyait aussi vers un repli qui nous poussait dans des explications un peu simplistes. Et donc vraiment je crois que c'est ça aussi qui nous a permis de sortir de cette période difficile. Sarah, comment on prend soin du soin ? Comment on fait que c'est pas qu'une posture le soin, mais vraiment quelque chose qui fait vibrer tout notre être, qui accompagne toutes nos activités ? Bah d'abord on prend soin de soi, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas prendre soin des autres si on prend pas soin de soi, mais je dis pas juste au sens il faut être en bonne santé pour prendre soin des autres. C'est-à-dire que si on reconnaît pas en soi-même notre besoin d'être soigné, en fait, on peut pas avoir une interprétation correcte de ce qu'est le soin. Donc d'abord se checker de quoi on a besoin. Et l'autre chose, c'est de considérer que c'est un projet collectif. Donc en fait, beaucoup de ce qu'on a vu passer sur le soin, c'était l'idée qu'il faut aller se faire soigner par quelqu'un, que ce soit un médecin, un psy, etc. Je pense qu'on a un potentiel de soins collectifs qui est très puissant, et j'en parle dans mon livre « Militer à tout prix », où je dis qu'en fait, on peut mettre en place en fait, des manières de prendre soin dans nos collectifs qui soient quasiment quotidiens. Ça veut dire que ne demandez plus jamais à quelqu'un « ça va » en passant rapidement. En fait, asseyez-vous et posez-vous la question collectivement en tant que groupe. qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été génial, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout soit plus génial. Prendre ces temps d'échange, en fait, ne pas voir finalement sortir d'une forme de productivité, hein, finalement qu'elle soit militante, elle n'est pas si différente de la productivité dans nos entreprises. Donc sortir de cette productivité pour remettre de la place sur le soin, sur l'échange. Et puis après, le soin pour moi, pour prendre soin du soin, il faut que le soin devienne un sujet qui est un sujet politique. Ça ne peut pas être en fait l'apanage des femmes, ni de l'intime, ni de la sphère privée uniquement. Le soin, ça doit devenir un sujet politique. Ça peut devenir une manière de lire aussi la manière dont notre économie fonctionne. Et en ça, je renvoie aux travaux de Eva Sadoun, qui a un podcast super sur ce sujet-là, qui parle de comment on recrée une économie du soin. Donc le soin, il doit être partout, pour tous, tout le temps. Et il doit être politisé, et ça, j'insiste là-dessus, pour qu'on en prenne soin de ce fameux le soin. Le podcast d'Eva, Loin des yeux, loin du cœur, hein, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Hein. C'est ça, j'arrivais pas à me rappeler du nom sur le coup. Et le soin, il est. On l'inculque, on le fait vivre. Donne-moi comme ça à voir, s'il te plaît, quelques espaces, quelques moments de nos vies où on expérimente voilà, le potentiel infini du soin. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans nos familles? Est-ce que c'est dans le travail? Tu commences à le faire en nous disant qu'aujourd'hui, on ne dit plus aux gens « Ouais, salut, ça va, et toi ?»« Ouais, ça va », et puis on passe à autre chose. On prend vraiment le temps de poser la question et d'entendre la réponse si on a envie, si on se sent prêt à avoir cette conversation. Il y a d'autres moments où on vit ce soin de manière profonde. Absolument. On vit ce soin, je pense aussi, quand on considère les gens pas uniquement dans une posture sociale, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tant que personne dans leur entièreté. Et je pense que ce qui a changé aujourd'hui par rapport au passé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on arrive au travail ou quand on arrive dans des espaces collectifs, quels qu'ils soient, en fait, on est notre personne entière. On n'est pas uniquement le collègue, on n'est pas uniquement la professeure des écoles. En fait, on est une personne dans son entièreté, dans tout ce qu'elle a amené, d'engagement, de joie, de souffrance. Et donc, en fait, on vit le soin parce qu'en fait, on prend le temps de connaître les gens vraiment. Quand on décide de travailler ensemble ou quand on décide de collaborer, on a toujours maintenant, on a cette pratique qui consiste vraiment à s'asseoir et à faire des conversations vraiment intentionnelles où on va essayer de comprendre qui est la personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a vécu qui l'amène à ce moment précis de notre rencontre et pour essayer justement de dépasser souvent nos préjugés parce que je pense que c'est aussi ça notre évolution Glorieuse 2030, c'est que en fait on a vraiment dépassé nos préjugés sur les gens parce qu'on sait qu'il y a toujours si peu qu'on connaît de cette personne quand on ne lui a pas vraiment parlé. Les indicateurs, ils n'ont pas été évidents à mettre en place hein, pour mesurer le soin, parce que c'est vrai que au début, on mesurait beaucoup les chutes, les baisses, et donc on a mesuré la diminution de la consommation des anxiolytiques, on a diminué la consommation d'alcool, la consommation de cigarettes. Il y a pas mal de choses qui révélaient des états critiques, des états d'instabilité, et donc des palliatifs. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer de positif qui est lié à la question du soin, Sarah, comme nouveaux indicateurs qui donnaient à la présidente qui est en train de mettre en place cette assemblée constituante, lui permet de valoriser toutes ces croissances. Je pense qu'il y a des choses très importantes qui sont des choses qu'on a toujours su. Hein. Ça fait depuis toujours qu'on sait que des personnes en bonne santé, des personnes qui mangent bien, des personnes qui sont finalement dans une forme de sécurité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, etc., sont des gens plus heureux. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai porté avec d'autres pour cette assemblée, c'est vraiment de garder un petit peu quand même à l'esprit qu'il ne suffit pas de parler de bonheur sans parler d'égalité devant l'accès à une alimentation saine, d'égalité devant l'accès aux soins, mais aussi d'égalité devant la possibilité en fait de déterminer son futur. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment super qu'on est dans les discussions là du moment pour l'Assemblée constituante d'avoir finalement une remise au centre du jeu des citoyennes et citoyens dans la décision politique, en particulier sur des sujets qui les concernent, mais aussi dans leur quartier ou au niveau local. Donc Tout ça, ça, pour moi, c'est un peu les indicateurs qu'on pourrait regarder. C'est voilà, le niveau de santé, le niveau d'accès à une alimentation, la qualité des logements. Et puis aussi, quelque chose qui peut être aussi très important, c'est la qualité des relations. Puisque c'est vrai que dans le passé, on avait des vrais problèmes d'isolement hein, avec des personnes qui n'avaient pas de lien social et donc qui les poussaient dans des situations difficiles. Donc, c'est vrai que nous, on prône vraiment une espèce de mesure de la qualité du lien social, notamment à quel point les personnes peuvent être partie prenante des associations. On a vu qu'à l'époque, hein, dans le passé, on avait beaucoup de désertion. On avait beaucoup de situations de désertion de certains villages et villes pour des grandes métropoles. Donc, la capacité des gens d'être à proximité d'autres personnes dans des lieux de sociabilité, par exemple, ça, c'est très important aussi à mesurer. Donc, aujourd'hui, la mesure de lien social, elle peut se faire par la force du réseau associatif, la force des services publics sur les territoires qui permettent aux gens d'avoir accès à des services, mais aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis finalement, j'ai envie de dire la vie de quartier, la vie de village qui permet aux gens de ne pas être isolés. Question à 10 000 euros, Sarah. Toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse ? Ben moi, je vis en fait ce moment d'exaltation, de changement et peut-être avec une forme de... Enfin, peut-être que, est-ce que c'est 2030 ou est-ce que c'est plus tard, ça dépendra de mon âge, mais j'aurais peut-être aussi passé le bâton aux prochaines personnes qui continueront à faire advenir un futur souhaitable, parce que je pense que, et désolée, j'espère que je ne casse pas l'ambiance, mais en fait, on sait que notre liberté, notre dignité, un monde meilleur, on devra toujours se battre pour le garder. Et que finalement, même si ce futur glorieux advient, et ben, on aura beaucoup de travail pour le maintenir. Et donc, peut-être qu'en fonction, si on est en 2030, je pense que je ne serai pas encore trop vieille. Mais si c'est un peu plus loin dans la perspective glorieuse, bah, peut-être que j'aurai passé le bâton. Ce que je fais déjà d'une certaine manière et que j'ai envie de continuer à faire la transmission. Mais d'autant plus si il est temps pour moi de prendre ma retraite. Oui, on aura, je pense, plus que sur nos sujets, plus que des activistes, on aura des garants. Des personnes qui veilleront à ce qu'on continue à aller dans le bon sens. Mais en 2030 glorieuse, on se rend compte de tous les autres angles morts qu'on commençait à peine à considérer à l'époque, parce que dans la relation rien qu'aux autres animaux, par exemple, on avait encore énormément de choses à faire, énormément de découvertes. Et donc là, il y a tout un tas de chantiers qui sont lancés et c'est encore... beaucoup, beaucoup de pain qu'on a sur la planche. Moi, ça me fait me dire qu'effectivement, c'est un chemin continu et c'est beaucoup d'humilité qu'on a sur ces questions-là. Donc, je trouve que c'est encourageant. Les personnes qui nous écoutent, ça, elles se disent, bon, bah, allez, cette époque du soin, cette société du soin, qu'est-ce qu'on attend ? C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a plein de fois, je t'entendais en me disant, mais d'une certaine manière, c'est un peu déjà là aussi. Mais comment on fait pour continuer ? Comment on fait pour encourager ? Comment on fait pour aller plus vite encore ? Est-ce qu'il y a une action, peut-être, si on revenait en 2025, que tu nous recommanderais pour toutes les personnes là qui sont en train de nous écouter ? Dès qu'elles arrêtent le podcast dans quelques minutes, elles continuent par faire quoi ? Elles commencent par se demander si elles connaissent leurs voisins et leurs voisines. Et si ce n'est pas le cas, elles vont frapper à leur porte et elles vont leur proposer de prendre un café. Parce qu'avec ce qui nous attend, notre première résistance, c'est le lien et donc le soin à l'autre. Et donc, plus on connaît ses voisins et plus on est en sécurité et plus on est aussi en perspective positive pour le futur. Donc voilà, je pense que c'est une action hyper facile à faire et très rapide. Et si vous les connaissez déjà, bah, invitez des gens qui habitent un petit peu plus loin, peut-être le pâté de maison juste à côté ou l'appartement... de l'immeuble d'à côté. On termine en disant que toi, grâce à ton livre Militer à tout prix, tu vas être amené à organiser tout un tas de rencontres hein, partout en France. Je suis en train de militer pour te faire venir à Lyon. Où est-ce qu'on peut découvrir les dates, voir un peu les événements à venir et puis avoir la chance peut-être de te rencontrer et de parler de ces sujets de vive voix ? Ah bah, avec plaisir. Donc moi, je mets à jour sur mon Instagram qui est Sarah Durieux. Vous allez pouvoir trouver facilement. Je mets à jour les dates, mais là, je ne sais pas exactement quand le podcast sera diffusé, mais il y a des dates qui sont prévues à Toulouse, à Rabastens, à Grenoble, à Pont-Aven, à Rennes. Voilà. Donc il y a plein de dates à découvrir sur soit le site de Hors d'Atteinte, qui est la maison d'édition où j'ai publié mon livre, soit sur mon Instagram. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse.